Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 109. De la subordination des mauvais anges entre eux. Ordre et supériorité chez les démons, point d'illumination, supériorité des bons anges. 1. Y a-t-il des ordres parmi les démons? L'apôtre enseigne que, parmi les démons, il y a différents ordres. Nous avons, dit-il, à combattre contre les princes, contre les puissances et contre les chefs ténébreux de ce monde. Éphésiens 6, 12. Et, en effet, puisque les ordres angéliques reposent sur la nature et sur la grâce, les démons ont encore entre eux des ordres, en perdant les dons de la grâce par lesquels ils pouvaient mériter, ils n'ont pas perdu pour cela les dons naturels. 2. Y a-t-il quelque supériorité parmi les démons? Tant que durera le monde, dit la glose attribuée à saint Augustin, les anges commanderont aux anges, les hommes aux hommes, les démons aux démons. Les démons n'étant pas égaux en nature, il est nécessaire que les inférieurs soient soumis, dans leurs actions, aux supérieurs, et qu'il y ait entre eux prééminence et subordination. Rien, d'ailleurs, n'est plus conforme à la divine sagesse, qui ne laisse aucune chose dans l'univers sans la renfermer dans un ordre. Note. La supériorité des démons n'a pas leur justice pour base, elle repose sur la justice de Dieu. Leur concorde, loin de provenir de l'amitié qu'ils se portent, résulte de leur commune malice, par laquelle ils haïssent tout à la fois les hommes et la justice de Dieu. On voit, de même, les impies s'unir, parmi nous, aux plus puissants d'entre eux, pour accomplir leur coupable dessein. Chez les démons, la soumission des inférieurs ne fait qu'aggraver la misère des supérieurs. Si on est malheureux en faisant le mal, on l'est doublement quand on le commande et qu'on y préside. Fin de la note. 3. Parmi les démons, l'un illumine-t-il l'autre? Illuminer, c'est éclairer, purifier et perfectionner. Or, demande le Saint-Esprit, comment celui qui est impur pourra-t-il purifier? Ecclésiastique 34, 4. Les démons, il est vrai, se communiquent leurs pensées, mais il y a loin de là l'illumination, qui a toujours pour objet de porter vers Dieu. Leur perversité est telle qu'au lieu de chercher à ramener à Dieu, ils tendent à en détourner, il n'y a pas d'illumination véritable parmi eux. 4. Les bons anges ont-ils quelque supériorité sur les mauvais? Il est indubitable que, l'origine de toute domination et de toute prééminence résidant en Dieu, les créatures les plus rapprochées de la divinité par leur perfection sont appelées à exercer de l'influence sur les autres. Or, quelle plus grande perfection imaginera-t-on que celle des saints anges qui jouissent de Dieu? Puisque les démons sont privés de cette perfection, il est juste que les bons anges aient sur eux la prééminence et l'autorité. Note. Dès que la divine justice juge à propos de se servir des démons pour la punition des méchants ou pour l'épreuve des bons, les saints anges leur révèlent plusieurs choses sur les mystères de la grâce. Ainsi, dans les choses humaines, les assesseurs des juges communiquent les sentences de la justice aux bourreaux chargés de l'exécution. Si les bons anges, qui sont supérieurs aux démons, ne les empêchent pas entièrement de nous nuire, c'est que Dieu veut permettre certains maux à cause du bien qu'il en tire. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.